bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue dans ce Lobster 179.01 Lobster qui est commandité cette semaine par mon ami Martin. Et oui, c'est lui qui nous fournit tous les choix musicaux pour ce Lobster. Donc merci Martin d'avoir pris le temps de me faire cette liste de chansons que tu aimes bien et chansons aussi que tu as découvert plus récemment. Donc dans ce Lobster, on va prendre le temps de les écouter et je donnerai mon avis après chaque chanson car pour beaucoup d'entre elles, je vais les découvrir en même temps que vous. Sinon, autre nouvelle avant de commencer, j'en ai pas parlé dans l'autre Lobster, mais ce samedi, je suis parti magasiner dans le coin de Verdun, là, en Grignon. En gros, j'étais parti en mission là, pour une seule raison, aller chez Fruitassi et chez Samy Fruits. C'est deux épiceries là, dans ce coin-là où je peux acheter des choses un peu spéciales, car c'est des épiceries comme Fruitassi, c'est une épicerie italienne. Donc, chez Fruitassi, ce que j'aime bien aller acheter, c'est qu'ils vendent des bouts de charcuterie. Tu sais, quand il reste juste un bout là, du gros saucisson qu'eux coupent en arrière, eh bien, quand il n'en reste pas assez long, eux, ils le mettent sous vide puis ils nous le vendent à un prix là, raisonnable. Puis bon, moi, j'adore bien les bouts de charcuterie. Puis on dirait que le goût, il est comme concentré dans ces zones-là debout. Bref, chaque fois que j'y vais, j'en achète un ou deux là, de ce qu'ils ont mis sous scellé. C'est pas des gros morceaux, là, c'est juste des bouts. Mais chaque fois, ça me permet de découvrir des charcuteries que je connais pas. Et c'est toujours le fun pour ça. Ce week-end, j'avais acheté deux bouts. Puis en arrivant à la maison, là, j'avais pas dîné. Fait que j'ai mangé les deux bouts avec un fromage, un gros fromage là, que j'avais acheté là-bas qui était délicieux. Qui avait un nom bizarre là, à Saddam's. En tout cas, encore là, une sorte de fromage que je connaissais pas qui venait de l'Italie. Et qui était délicieux. Sinon, je vais aussi chez Fruitassi. Surtout pour acheter des cavatoni. C'est une sorte de pâte que je trouve pas partout. Il y en a des fois chez Metro ou IGA, l'un des deux, mais elles sont jamais aussi bonnes que celles que j'achète chez Fruitassi. C'est comme une pâte un peu plus dure qui ressemble à un gros macaroni ouvert, je dirais, qui est de la longueur, imaginez, là, de votre pouce, puis qui doit être bouilli 15 minutes là, pour être ramolli, mais qui reste quand même plus dure que les pâtes qu'on mange d'habitude. Bref, moi j'aime bien ça, donc c'est pour ça que de temps en temps je retourne à cette épicerie pour en acheter. Puis aussi, c'est un endroit où ils vendent des avelines. Puis là, les avelines, mon père, il adore ça. Donc, faut pas lui dire, mais j'ai été lui en chercher là, pour lui en donner la prochaine fois qu'on se voit. Puis quoi d'autre? Aussi, dans leur section prêt à manger, il y a des caninoli qui venaient juste d'être faites. J'en ai pris 4, là. Puis j'en mange un par jour. Ils sont tellement bons. La crème dedans, c'est tellement bon. C'est comme un... Il y a comme un tour en pâte qui est un peu dur, puis c'est fourré là, de crème là-dedans. Puis c'est miam-miam. Là, c'est vraiment bon. Puis sinon, l'autre endroit que je vais, là, qui est pas loin, qui est à côté, là, 10 minutes de Fruitassi, c'est Samy Fruits. Mais avant d'en parler, je pense qu'on va écouter une chanson. On a plein de chansons à écouter. Donc, puis j'ai encore plein de choses à raconter. Donc, on va écouter une chanson de la liste à Martin. On va débuter par la chanson qui se nomme, je viens de la télécharger, Gallo Glass, A Winter Tale. Donc, on écoute ça, puis au retour, je vous donne mon avis sur la chanson, puis que je vous parle encore de ma sortie de samedi. Donc, on écoute ça. Bon Lobster. De retour! Déjà là, la chanson rencontre un des critères que je recherche chez les bonnes chansons, une bonne introduction. C'est le fun quand l'intro de la chanson là, est un petit peu différent. Moi, ça me plaît toujours. Donc, une belle découverte, ce groupe Gallo Glass, un groupe de power metal allemand originaire de Hanovre, actif de 1999 à 2007, d'après ce que je lis. Puis en cherchant sur ce groupe-là sur Internet, j'ai aussi découvert la signification du mot Gallo Glass. Je peux vous le lire. Les Gallo Glass de l'irlandais Gall O'Glag, soldats étrangers, étaient une classe de guerriers mercenaires d'élite issus principalement des clans écossais des Galles Gaedhel. Nombre d'entre eux se sont exilés en Irlande après avoir été du mauvais côté durant les guerres d'indépendance de l'Écosse, les plus anciens et plus connus étant certainement le clan Sweeney qui se sont mis au service de la dynastie O'Donnell vers le début du 14e siècle. Bon, le seul hic, comme c'est un groupe allemand, le Gallo Glass, et que l'origine du mot est irlandais ou que ça semble remonter à l'Écosse, je cherchais le lien entre les deux et j'ai pas trouvé. C'est sûrement un des membres là, qui doit avoir des origines irlandaises ou écossaises, là, peut-être, ou une histoire comme ça, mais j'ai pas trouvé. Mais la chanson, c'était quand même miam miam. Sinon, si on revient à ma sortie du week-end, on était rendu chez Samy Fruits, là, une autre place un peu spéciale. C'est comme un gros entrepôt rempli de fruits et légumes d'un peu partout. Puis quand on regarde sur eux, si on fait une recherche sur eux là, dans les nouvelles, tout ce qu'on trouve, c'est qu'ils n'ont pas payé le taxe, ces fruits et légumes, là, puis qu'ils étaient en cours avec le fisc il y a quelques années. Ça me fait toujours rire de penser à ça, parce qu'à chaque fois qu'on arrive à la caisse, il faut payer cash ou avec débit. Ils n'acceptent pas la carte de crédit. Je ne sais pas si c'est lié à le passe-passe là, qui ne paye pas. En tout cas, peu importe. Sinon, moi, pourquoi je vais là? J'y vais surtout pour les litchis. Là. Je n'ai déjà parlé que je suis un maniaque de litchis. Mais bon, c'est peut-être pas la saison. Puis je suis revenu avec quoi? Je suis revenu avec des clémentines qui sont tellement délicieuses. Oh là là! Et ce qui est drôle dans cette place, c'est que les gens, ils n'arrêtent pas de manger. Les gens, partout, tu te promènes entre les... C'est quoi? Des gros étals où les fruits sont vidés là, comme en pyramide, mais il y a des gens qui mangent un peu partout. Puis juste en rentrant là ce week-end, il y a un homme qui avait la bouche pleine de quartier d'orange, qui est comme sorti rapidement par la porte des paniers. Je l'ai laissé passer parce que quand on rentre, ben il y a comme un tourniquet, puis le panier doit rentrer dans un endroit bien spécifique. Mais le jeune homme, là, je pense qu'il était venu luncher, puis pour sortir, il a pas voulu passer entre les caisses, puis il est passé par l'endroit où on doit passer notre panier. Donc c'était bizarre un peu là, d'arriver puis de le voir sortir la bouche pleine, remplie de quartier d'orange. Puis moi, quand je suis arrivé, là, j'ai fait le tour, puis quand je suis arrivé dans les clémentines, il y avait un vieux monsieur barbu qui m'a accosté là, en anglais. Lui, il était là, puis il épluchait des clémentines pour lui puis sa femme, puis il m'a demandé si je voulais goûter. Puis j'ai dit oui, ben j'ai dit yes. Puis là, à la fin, je lui ai fait le commentaire là, que c'était vraiment delicious, puis que j'allais en acheter, puis que je me suis rempli un gros sac. Une quinzaine de grosses clémentines. Il était tellement bonne. Puis il goûte pas les clémentines, il goûte un peu plus les mandarines. C'est pour ça que je les aime, parce que les mandarines, le goût est plus piquant. Fait que c'était écrit quand même clémentine, mais le goût se rapproche plus de mandarine. Puis aussi, je me suis acheté quoi d'autre? Une grosse papaye, pas chère, mais en l'ouvrant à la maison, là, je l'ai coupée pour la manger, puis elle n'est pas mûre. Là-dedans, il est tout blanc. Je me suis fait comme fait avoir. Fait que je l'ai sacré aux poubelles, là. À moins que vous me dites que ça se cuisine une papaye pas mûre, là, blanche. Mais j'ai demandé quand même à ChatGPT qu'est-ce qu'on fait avec une papaye blanche, pas mûre. Il me dit, il dit que je peux m'intoxiquer, mais il me dit que c'est insipide, qu'il ne faut pas la manger, que c'est juste pas bon, il faut la faire mûrir. Puis il me dit de la mettre dans un sac de papier, mais là, il est rendu dans un sac de poubelle. Fait que bye-bye la papaye. Puis qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté les fruits, là, qu'il y a des petits fruits dedans, rouges. Comment ça s'appelle? J'oublie le nom. D'habitude, la peau est toute rouge, mais ceux-là, c'est des blanches. Puis quand tu ouvres dedans, il y a les petits fruits. Je ne me rappelle plus du nom. Bref, j'ai acheté ça aussi. Puis sinon, dans le même stationnement que Samy Fruits, là, il y a aussi la boucherie Al-Kair. Je ne sais pas c'est quelle nationalité, mais ils vendent des affaires bizarres. Dès que tu ouvres la porte, moi, ben, vous savez, j'aime les affaires bizarres, mais tu arrives là, tu ouvres la porte, puis tu tombes face à face avec des têtes de chèvres brûlées. puis avec des bouts de pâte de chèvre. Je ne sais pas comment ça se cuisine. Mais bon, c'est juste pour vous dire que pour moi, c'est quand même un petit peu plus loin de ma culture générale. Au mieux, j'ai déjà vu des têtes de lièvre dans une tourtière que ma grand-mère avait faite, là. Mais bon, plus j'y pense, c'est quasiment pareil dans le fond. Parce que, bon, que ce soit une tête de lièvre, c'est juste un petit peu plus gros. Puis quand on faisait boucherie chez mes grands-parents, on tuait les moutons. Moi, je devais tenir le bol pour amasser le sang, puis mes grands-mamans faisaient du boudin avec ça après, là. Donc, bon, je dis que c'est un peu loin de ma culture, mais on est quand même dans le même style de cuisinage, j'imagine. Mais tout ça pour dire qu'ils vendent des saucisses d'agneau qui ont un goût que je ne retrouve pas ailleurs. C'est des merguez à l'agneau, mais il y a toutes sortes de saveurs dedans. Bref, quand je passe chez Sam et Fruits, je vais aussi à cette boucherie-là pour acheter ces saucisses-là merguez. Voilà. Bon, on écoute une autre chanson et au retour, je vous parle d'une BD que je me suis achetée là, durant ce voyage-là aussi. Je suis aussi allé au Carrefour en Grignon. Puis cette BD m'a redonné le goût de dessiner. Puis je vous raconte l'histoire, là, qu'est-ce que j'ai pensé là, en lisant cette BD-là. Je vous en parle au retour. Puis là, justement, ça vient de me faire penser que cette semaine, j'ai aussi l'idée folle. Il y a un soir, j'étais tanné là, de vivre dans le monde numérique. Puis dans ce temps-là, je m'assois avec un crayon, une efface, une aiguise, puis une grosse tablette à dessin. Là, j'en ai de toutes les grosseurs. Puis là, je me suis mis, dans ce temps-là, j'invente des choses. Puis là, j'ai décidé d'inventer des jeux. Comment se passeraient les Jeux olympiques pour les personnes de petite taille? Puis là, j'ai inventé des épreuves. Des un peu loufoques. J'ai inventé, je suis rendu à 4 épreuves d'inventer puis de dessiner. Donc, je vous en reparle au retour. Là, c'est un peu nono. Sinon, pour l'instant, on écoute Disturb avec The Sound of Silence. Ça, c'est une chanson que je connais. Je peux déjà vous dire que j'adore ça. Chanson plutôt théâtrale, là, impressionnante. Donc, on écoute ça, Disturb. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split. Touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing. choix de chanson, Martin, c'est quand même magnifique, cette chanson. Maintenant, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler, quand je suis allé magasiner, quand je suis allé dans les deux épiceries, je suis arrêté aussi au Carrefour en Grignon. Puis, je me suis dit, je vais arrêter de voir pour magasiner des cadeaux de Noël là, pour ma famille. Puis finalement, j'ai rien trouvé. Ben, en fait, ça fait pas mal toujours la même chose. Quand je pars avec aucune idée, je reviens avec des cadeaux, là, mais les cadeaux sont pour moi. fait que je suis allé chez Renaud Bré. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle BD de Lapineau qui était sortie. Bon, Lapineau, c'est dessiné par Lewis Trondheim. Lui, je pense que je vous en ai déjà parlé, toutes les aventures de Lapineau, puis les histoires de donjons et... Je ne me rappelle plus du nom, là. Mais il dessine aussi les histoires d'un jeune, de quelqu'un qui gère un donjon, puis les animaux, là, ils viennent dedans pour participer à l'aventure. Puis lui, toutes ces histoires, c'est anthropomorphique, c'est tout le temps des animaux qui jouent les rôles des humains. Dans les aventures de Lapineau, bien évidemment... Lapineau, c'est un lapin avec ses grandes oreilles, mais il agit comme un humain. Puis dans cette histoire-là, elle vient juste de sortir, première édition 2025, Le Chapeau Maudit, qui s'appelle Une aventure de Lapineau dans une situation pas possible. Puis pourquoi j'adore Lewis Trondheim, c'est que lui, ses dessins sont magnifiques, magnifiques. Puis quand j'ouvre la BD, en bonus, première page, ben encore dans la couverture, là, dès que tu ouvres, il a dessiné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 x 4, 18, 36 lapins. Il a dessiné 36 fois Lapineau, mais habillé dans des différents costumes, comme il y a Lapineau en Indien, Lapineau en guerrier, Lapineau en Dracula, en Sherlock Holmes, en Gandalf, en joueur de cornemuse, en lutteur... En personnage qui fait de la plongée, en fantôme. Bref, cette page-là entre deux, c'est comme un bonus pour moi. J'adore ça, voir son personnage dessiné dans plein de postures différentes. Puis là, ensuite, j'ai lu la BD. Bon, c'est une histoire qui est vraiment intéressante. Lapineau, il va avec ses amis sur le dessus d'une montagne pour fêter, pour voir l'éclipse lunaire. Mais là, il arrive là, puis il y a comme des gens qui veulent jouer à Donjon Dragon. Puis là, c'est quoi qui se passe? Ah oui, c'est ça, il y a quelqu'un qui lui, il a un chapeau sur la tête qui permet de faire des prédictions, mais là, il se rend compte que toutes les prédictions qu'il fait, ben il se réalise, puis là, tous les joueurs de donjons sont tués, puis là, après ça, ils veulent se sauver parce que ce chapeau-là, il est contrôlé par quelqu'un de maléfique qui prend le visage de la personne de temps en temps. Le visage de la personne maléfique vient se superposer par-dessus le visage de la personne qu'il porte. Puis là, elle fait des prophéties qui sont vraiment pas le fun. Puis là, Lapineau puis sa gang, ils essaient de se sauver, mais là, ils s'aperçoivent qu'ils sont comme dans une bulle puis qu'il y a un mur où ils peuvent pas traverser. Mais là, tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est d'appeler la police, mais la police est l'autre bord de la bulle. Bref, quand l'éclipse arrive, la bulle, elle se tasse un peu, puis là, ils peuvent parler avec la police. Puis là, mais là, la police se rend compte que, bon, c'est vrai. Au début, ils pensaient que c'était juste une blague d'adolescent. Mais là, ils se rendent compte que c'est vrai. Puis là, Lapineau puis sa gang, ben là, ils vont finir par réussir à faire de quoi avec le chapeau. Puis ils réussissent à... En tout cas, je vous raconte pas toute l'histoire, je veux pas vous vendre le punch, mais c'est tellement beau, c'est tellement bien dessiné. Lewis Trondheim, il dessine tellement bien. Puis à chaque fois... quand je dessine, j'ai commencé à dessiner une BD là, dans le monde médiéval, mais j'ai toujours ces BD-là de Lapineau ou de Dungeon Monster, je pense, à côté de moi, là, qui sont dessinées par lui. Ça devient un peu comme ma base d'idées. Je regarde comment lui dessine ses choses, puis je m'inspire de lui. Il dessine aussi, j'ai vu en allant chez Renaud Bré, il vient de dessiner le dernier Spirou. Il est crédité pour les dessins du dernier Spirou dans les Spirou classiques, parce qu'il y a la série là, de 56 Spirou classiques, mais il y a aussi des Spirou hors série qui sont hors format, qui sont dessinés dans un autre style. Là, il y en a 7-8. Mais là, c'est ça, j'ai vu qu'il y a plusieurs Spirou que j'ai pas. Là, il y en a 3 ou 4 que j'ai pas acheté. Mais bon, suivre d'acheter tout neuf, j'ai pas assez d'argent pour faire ça. Mais là, bon, je me suis laissé avec Lewis Trondheim et le Chapeau Maudit et cette aventure-là de Lapineau. Puis c'est ça, ça me redonnait le goût de réécrire une nouvelle histoire. Parce que mon problème, c'est de mener à terme mes projets. Comme je vous disais, j'ai déjà une BD de 23 pages de dessinée. Ben pas 23, là, j'en ai 13 de dessinés sur les 23 du format comic. Mais bref, mon erreur, je pense, c'est que j'ai pas écrit l'histoire au complet avant de développer la BD. J'y allais un peu à l'inverse parce que j'avais vu quelqu'un qui faisait ça, qui y allait case par case puis l'histoire se construisait à mesure, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée. J'ai quand même dans un fichier Word une bonne idée de l'histoire, mais là, ce que je veux faire, c'est écrire l'histoire au complet avec tous les dialogues avant de débuter le dessin. Bref, je vais me lancer, je pense, dans un nouveau projet. Puis c'est ça l'idée que j'ai eue en lisant là, l'histoire de Lapineau, c'est de faire mon histoire, ça va être ça se passe au chalet. Bon, c'est un peu une affaire vécue là, qui je prends les idées dans nos affaires à nous. C'est un jeune homme qui s'en va à la pêche, il va trouver quelque chose dans une boîte de métal dans lequel il y a un plan. Et dans ce plan-là, ça l'amène à faire une genre d'expédition avec son oncle et son père. Puis, en gros, on va apprendre, dans les premières scènes, on voit que cette boîte-là que le jeune homme vient de trouver est déjà dans une étagère au chalet, dans le garage, chez son grand-père. Donc, c'est un peu comme si son grand-père avait préparé cette boîte-là pour lui. Puis, dans la boîte, il va trouver une clé. Il va trouver une carte, puis il va trouver un message qui vont l'amener à partir en expédition pendant 2-3 jours avec sa famille. Puis on va le suivre dans cette expédition-là. Mais ce jeune homme-là, lui, dernièrement, il vient d'écouter Le Seigneur des Anneaux. Donc, à chaque affaire qui va lui arriver durant cette expédition, lui, il va toujours faire le lien avec des moments clés du Seigneur des Anneaux. Fait qu'à un moment donné, au cours de l'histoire, c'est quoi que j'ai écrit? Parce que là, en plus, j'écoute Le Seigneur des... c'est pour ça, j'écoute en plus Le Seigneur des Anneaux en ce moment. Et à côté de moi, j'ai une tablette sur laquelle je mets mes idées, je fonctionne par bulle, j'écris l'idée, puis là, je la divise en d'autres bulles avec d'autres mots pour la diviser. Là, c'est comme une manière de créer, là, c'est un style qui existe pour faire ça. Bref! Fait que là, j'écris que le jeune homme, par exemple, à un moment donné, dans son histoire, il va avoir un moment donné où ils sont plusieurs, ils doivent se réunir à plusieurs pour aller trouver, disons, se rendre à l'endroit pour trouver la suite des choses. Mais là, lui, le jeune homme, dans son texte, lui, pour lui, c'est comme si que la communauté de l'anneau venait d'être formée. Donc, il va faire des commentaires en lien avec ça. Puis en tout cas, j'ai plein d'autres choses. À mesure que j'écoute Le Seigneur des Anneaux, là, je suis dans le premier film, il y a plein de moments clés, puis des phrases, tu sais, à un moment donné, Gandalf, quand il dit « Vous ne passerez pas », ben peut-être que dans mon histoire, il va y avoir un moment donné où il se passe quelque chose dans ce style-là, puis qu'au lieu de dire « Vous ne passerez pas », il va peut-être dire quelque chose de différent. Mais bref, une autre affaire, par exemple, quand il va arriver à la grotte de l'ermite, ben là, le jeune homme, il va dire « Ah! Oh, » ils vont comme être sur le top de la montagne, puis là, il la voit, il va dire « Ah! Oh, le gouffre de Helm! » Fait que lui, ses commentaires vont toujours être en lien avec le Seigneur des Anneaux, fait que ça peut être un petit peu drôle comme ça. Bref, où je m'en allais avec ça? Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est ça m'a donné le goût d'écrire une nouvelle histoire, d'écrire tous les dialogues, de toute la préparer, puis après ça, je vais mettre ma tablette à dessin sur la table, puis à partir de ce moment-là, je vais me mettre à dessiner. Durant le temps de Noël, je n'ai pas d'épisode du Grenier Pop à produire. Là, j'ai 2 semaines de congé, donc, puis là, c'est plus tranquille avec les congés, donc je pense que je vais avoir le temps de bien débuter là à dessiner. Moi, j'ai pensé que mes personnages, j'ai commencé à travailler avec l'intelligence artificielle, les idées un petit peu, là. Juste au niveau des personnages, je ne vais pas copier Lapineau, évidemment, mais moi, ça pourrait être un castor pour le jeune homme. Puis il va avoir une amie aussi, le jeune homme, qu'il va rencontrer à un moment donné quand il forme la communauté, là. Puis ça va... elle, c'est un renard. Parce que les renards, ils ont des oreilles pointues, mais pour lui... Ce que j'ai pensé, c'est qu'au départ, la petite fille a un bandeau sur les oreilles, OK? Parce que là, elle lui dit qu'elle a été pour se faire opérer, pour se faire recoller les oreilles. Mais elle, c'est un renard. Puis à un moment donné, la journée d'après, c'est correct, elle peut enlever son bandeau. Mais là, il va voir qu'elle a les oreilles pointues. Puis là, c'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, la première fois qu'il voit des elfes. Fait que lui, il va faire le rapprochement en disant... Oh! T'es une elfe ou quelque chose du genre. Fait que tout est basé, toute mon histoire est faite pour que j'utilise des références du Seigneur des Anneaux. Moi, je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, c'est ce que je suis en train de réfléchir. Tout ça, à cause de la BD de Lapineau. Voilà. OK, on va écouter des chansons que mon ami Martin nous a envoyées. On va en écouter deux. On va écouter Avenged Sevenfold, A Little Piece of Heaven. Ça, je ne suis pas sûr que je connais. Mais le deuxième, c'est Sabaton, de Red Baron. Sabaton, ben, c'est un groupe aimé du Lobster qu'on a joué souvent. Donc, on écoute The Red Baron. Yeah. retour dans ce Lobster 179.0. Rien à redire sur ces deux chansons, c'était juste bon. Sinon, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Eh bien, oui, l'autre soir, je voulais fuir la vie numérique. Je me suis assis au salon là, avec un crayon de plomb Staedtler. C'est important la marque là, du crayon parce que la mienne, elle casse pas ceux-là. Ils sont bien faits. Puis j'aime pas les crayons là, plus cheap dont la mienne est toujours cassée. T'es tout le temps rendu à... sur l'aiguisoir. Bref, armé de mon efface, aiguise et crayon, j'ai commencé à inventer un jeu. C'est des jeux olympiques pour personnes de petite taille nue. C'est des jeux pour les nains. Quand j'ai du temps et que je voulais m'évader un petit peu, j'invente un peu des niaiseries. Donc, passons à la première épreuve. Là. C'est pas besoin d'expliquer plus. Là. C'est un peu nono ce que j'ai fait. Oui, mais avant, je voulais juste rectifier. Tantôt, j'ai parlé de cannoli, je pense, mais le bon mot, c'était cannoli fourré à la vanille. C'est ça que j'ai mangé, que j'ai acheté à la boutique. Sinon, mes Jeux olympiques pour nains nus. Première épreuve que j'ai inventée s'appelle le torque-disque. Ça se joue sur un terrain de la taille d'un tennis, donc c'est facilement portable dans les villes. La seule différence, c'est que le terrain de tennis, il est comme encadré, il y a des murs, puis il y a deux parois, les parois arrière, ils bougent, ils avancent de 4 cm à la seconde vers le milieu du terrain. Donc les joueurs n'ont pas le choix de se rapprocher l'un de l'autre plus le jeu avance. À 4 cm la seconde, ça donne des parties de 5 minutes. Parce qu'à rendu à 5 minutes, les deux murs vont s'être rejoints. Le jeu se joue avec des vinyles, tu sais, les vieux vinyles, mais de nos vieux vinyles, le 33 tours noirs, mais on rajoute des pointes dessus. Ça devient comme des disques là, quand on scie quelque chose, là, ça devient coupant. Fait que tu peux t'amuser à les tirer, mais si quelqu'un reçoit un disque, il peut être blessé. Puis sur le terrain de tennis, tout le sol est recouvert de blocs Lego dans lesquels on a caché des figurines du Seigneur des Anneaux, Frodon, Sam, Pipin, Merry, Gimli puis Gollum. Puis là, le jeu, eh bien, c'est le premier qui accumule 5 points en trouvant des figurines Lego des bonhommes par terre. Chacune des figurines vaut 1 point ou tu peux gagner 1 point si tu retires un disque sur l'autre personne puis que tu la blesses. Donc, c'est ça. Figurine vaut 1 point, toucher l'adversaire vaut 1 point. Donc, ça donne quand même des matchs qui pourraient être quand même intéressants. Ça peut être quand même comique. Ça, c'est la première épreuve. La prochaine est plus raffinée. Tu sais, je me faisais la main là, sur l'épreuve 1. Deuxième épreuve est plus basée sur les décathlons ou les genres d'épreuves là, que... Tu sais, il y a plusieurs choses à faire. Faut que tu fasses du ski, t'as un fusil dans le dos, t'as un arc, faut que tu tires. Moi, mon épreuve numéro 2 se nomme le Pitfall, comme le jeu Atari de 1982, qui est ma base d'épreuve, dans le fond. Ça va être l'objectif de cette épreuve-là, de cette deuxième épreuve-là, c'est de traverser les obstacles le plus vite possible. C'est comme un Iron Man ou quelque chose du genre. Évidemment, les personnes nains sont encore nues dans cette épreuve. C'est un peu ça, dans toutes les épreuves, j'ai vu que ça revenait. Les personnes doivent être nues. Je trouve que ça ajoute un peu de thrill à l'épreuve. Première épreuve, c'est le saut à la corde. Là, il y a une corde suspendue au-dessus d'un bassin rempli de bébés caïmans, là, les petits crocodiles, comme dans Pitfall, comme dans le jeu Atari, dans le fond. Puis la corde est enduite d'huile un peu, donc... Le gars, il doit courir, le nain, il doit courir, sauter, attraper la corde qui est glissante, puis essayer de traverser l'autre bord, puis continuer ses épreuves. S'il tombe dedans, bien, vu que c'est juste des bébés mais caïmans, là, c'est des morsures inoffensives, c'est juste douloureux. Il y a aussi un endroit que quand tu continues à les épreuves, tu arrives dans un bassin dans lequel il y a des couleuvres suceuses, mais là, il faut qu'il y ait des. T'as le droit à 3 coéquipiers qui, eux, vont former le pont sur lequel tu dois sauter. Fait que c'est comme un espace vide. S'il n'y a personne qui t'aide, tu ne peux pas sauter. Tu es comme obligé dans Pitfall de descendre l'escalier, l'échelle, puis de passer par en dessous. Mais si tu passes par en dessous, moi j'ai dessiné des moufettes. Famille de moufettes stressées, donc il y a des bons risques que tu te fasses pisser dessus, puis de toute façon, c'est plus long de descendre en bas, éviter les moufettes, remonter. C'est plus rapide si tes 3 coéquipiers, qui eux sont nus aussi, puis eux, ce qu'ils doivent faire, c'est se tenir sur les barres de chaque côté avec leurs pieds et leurs mains, puis comme former un pont sur lequel que tu vas sauter, tu as 3 bonds à faire sur eux. Fait que j'ai écrit 3 équipiers doivent former un pont de leur corps sur lequel l'autre va sauter pour traverser. Ou tu prends le chemin alternatif, comme j'ai dit, mais qui peut être plus long. Ensuite, troisième chose que tu peux rencontrer comme épreuve, c'est le baril enflammé. Il y a un baril qui roule, qui s'en vient vers toi. Évidemment, vu que tu es nu puis que c'est un baril qui est rempli de gaz, c'est dangereux, tu peux choisir. Lui, c'est une bonne idée de l'éviter. Tu peux passer par en bas, mais ça se peut que en bas, soit que c'est un peu comme dans Pitfall, des fois tu arrivais puis il y avait un mur de briques qui te bloquait. Fait que tu peux arriver sur un mur de briques qui te bloque, puis il y a aussi Luc Sonny de la guerre des clans qui est assis là, puis lui il essaye de te parler pour te ralentir. Donc voilà. Ça c'était l'épreuve Pitfall de mes Jeux olympiques pour nain. Troisième épreuve, je l'ai appelée le falot volant. Falot, là, en signe de phallus. L'objectif, réaliser un enchaînement de figures obligatoires avec un cerf-volant attaché à son pénis pendant 7 minutes. Donc là, j'ai dessiné un nain qui est nu avec le pénis un peu en érection sur lequel est attaché une corde de cerf-volant. Le cerf-volant est aux couleurs du pays qu'il représente, du Canada dans ce cas-ci. Puis bon, tu as une liste de figures que tu dois faire avec ton cerf-volant. Il y a le tourbillon inaugural, il faut faire 3 loopings de 360 avec ton cerf-volant. Ça, j'ai mis difficulté facile, faible, c'est quand même facile à faire. Le deuxième, c'est le saut du kangourou. Tu dois faire monter rapidement d'un bond ton cerf-volant, puis le redescendre rapidement. J'ai mis que lui, c'est difficile. 3 étoiles, c'est difficile, parce que ça va quand même donner un coup sur le pénis quand tu vas essayer de le faire monter et descendre d'un coup. Donc, il y a des risques de blessure ici. Le troisième, c'est le moonwalk. C'est un mouvement horizontal fluide de gauche à droite. J'ai mis que c'était quand même moyen comme difficulté. C'est juste d'essayer de faire bouger horizontalement ton cerf-volant. Le 4, c'est la pose héroïque. Tu dois essayer de garder ton cerf-volant parfaitement immobile pendant 3 secondes. Lui, c'est une figure que j'ai classée de difficulté faible. Bon, maintenant, on arrive à un très difficile. 4 étoiles, c'est difficile. C'est le serpent ondulant. Tu dois former avec ton cerf-volant, tu dois, comme si un serpent il bouge, là, ça fait que ça monte, ça descend. Tu es jugé là, sur si ça ressemble à une forme de serpent. Et la dernière épreuve la plus difficile, c'est le très difficile, 5, 1, 2, 3, j'ai mis 5 étoiles, c'est la pirouette lunaire. Rotation lente autour de l'axe horizontal pendant que l'athlète est sur une jambe. Donc, tu dois comme faire tourner ton cerf-volant dans les airs, tu vois le mot Canada, puis après ça, tu dois voir l'endo, là, ça peut être le signe de ton association de personnes de petite taille là, qui est dessinée, puis c'est ça, puis la difficulté dans le fond, c'est que tu es sur une jambe. Voilà pour l'épreuve 2, le falot volant. Et finalement, j'en ai fait 4 ce soir-là, la dernière épreuve, c'est le What the Fuck Sauna. J'ai appelé ça WTF sauna. L'objectif, mettre le plus de participants possible dans un sauna surchauffé à 90 degrés Celsius. Sur le dessus du sauna, il y a des livres de beurre à l'ail et il y a aussi un contenant rempli de milliers d'escargots. Puis, de la manière que ça marche, bon, les participants sont nus, je l'ai spécifié, mais ça, c'est dans toutes les épreuves. Tu as l'épreuve masculine, féminine et mixte. 30 minutes maximum pour entrer les gens dans le sauna. Il y a du beurre à l'ail qui s'écoule dans le sauna à partir du toit. Chaque fois qu'un participant entre, on verse l'équivalent de son poids en escargot vivant. Donc, si tu pèses 100, moi je pèse 200 livres, tu rentres, bien, il y a 200 livres d'escargot qui est vidé en même temps dans le sauna. Puis là, la particularité, j'ai mis température du sauna à 90 degrés. Comme les escargots cuisent entre 80 et 85 Celsius, ben j'ai écrit « Youpi », ils deviennent comestibles. Donc, j'ai mis une spécification, j'étais allé chercher là, dans les gagnants de cette épreuve en 2024, ceux qui ont testé là, l'épreuve, avaient comme technique d'avaler les escargots pour faire de la place. Ils ont réussi à entrer 10 personnes de petite taille dans un sauna de 8 pieds de long par 3 pieds de large et 5 pieds de haut. 5 pieds de haut, c'est quand même gros là, pour des nains. Sinon, volume du sauna, ok, là j'ai mis les calculs, le volume du sauna, c'est 3,37 mètres cubes. Le volume d'un nain, c'est 0,37 mètres cubes. Pour y arriver, là, les 10 personnes qui avaient réussi à rentrer, ils avaient mangé chacun 13 kilos d'escargots chacun. Puis bon, ça c'était l'épreuve mixte. Il y avait eu une plainte de harcèlement sexuel. L'un des participants s'était plaint d'une insertion non désirée dans un orifice non spécifié. Puis quoi d'autre? J'ai marqué quand un nain rentre, il pèse en moyenne 50 kg d'escargot. Ah, il y avait eu 2 chocs thermiques, une intoxication, puis 8 qui ont eu la chiasse avant de sortir. Donc, c'est bizarre comme ça. Voilà, bon, pour mes idées un peu bizarres quand je fais autre chose que jouer sur mon ordi. On va écouter 2 nouvelles chansons que Martin nous a soumises. OK, j'y vais avec sa liste. La prochaine, All Storm, Party Zombie Ate My Pirate Ship. Puis l'autre, System of a Down, la chanson Chop Suey. On écoute ça. Seven seas. Dans ce Lobster, commandité par mon ami Martin qui nous fournit la musique. Et oui, encore deux bonnes chansons. Moi, j'aime bien le groupe Hailstorm. C'est un groupe, il y a plein de bonnes chansons. Du pirate metal, c'est quand même bien. Maintenant, avant de passer aux prochaines chansons, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, j'ai reçu un courriel de la radio. Tu sais, je fais l'émission Le Grenier Pop depuis un bout de temps, puis j'avais pas vraiment de retour de la station. Je fais mon émission, puis that's it. Puis là, aujourd'hui, Isabelle, elle m'a écrit. C'est Isabelle, c'est la productrice, je crois. Responsable de la programmation et des partenariats. Puis elle m'écrit « Allô Frédéric, on a décidé de mettre ton émission en rediffusion les mardis de 19h30 à 20h. Ça commence à partir de janvier. C'est un privilège d'être en rediffusion et on trouve que ton émission mérite d'être écoutée par encore plus de gens. Ce n'est pas urgent, mais tu peux refaire tes autopromotions pour inclure la rediffusion. Ce serait super. Bonne journée, Isabelle. » Fait que, j'imagine qu'ils aiment mon émission. Maintenant, je vais être rediffusé aussi le mardi, en plus d'avoir la belle fenêtre du vendredi retour à la maison. Donc, j'étais quand même content quand j'ai reçu ça tout à l'heure. Je viens juste de recevoir ça, là, il y a 2 heures. Donc, mon émission qui va, tant qu'enregistrer une demi-heure, ben, elle va pouvoir jouer dans 2 tranches de temps. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, là, je me bats pas, mais... J'avais commandé des choses pour mes parents chez Walmart. Puis la première boîte qui est arrivée était toute détruite. C'est une belle table qu'ils se sont commandées. Puis avec le lift là, pour lever la boîte qui était quand même pesante. C'est une belle grosse table en bois. Il avait brisé la table, donc il faut la retourner. Mais pour la retourner, il faut appeler au numéro Walmart. Puis la madame, elle utilise un téléphone IP à l'autre bout. Nous, on a déjà eu ça chez CGE au début, les téléphones IP, mais ça marche pas toujours bien. Puis la madame, ça arrête pas de couper. Fait que la première fois que j'ai appelé, tout ce que j'entendais, c'est « Oui! » Puis j'entendais juste des bouts, ça coupait tout. « Et oui, vous, quel est votre... » C'était un peu tout le temps comme ça. Puis bon, elle me fait le retour quand même. Là. J'ai appelé 3 fois, puis je me disais « C'est mon téléphone qui est pas correct. » Mais je me suis bien rendu compte que c'était tout le temps la même madame qui répondait avec son téléphone qui marche pas. Puis là, c'est ça, elle a fait le retour, mais ils sont jamais venus chercher la nouvelle boîte. Tu sais, moi, j'ai recommandé une nouvelle table, mes parents l'ont reçue, mais là, on est encore pogné avec l'ancienne. Puis là, j'ai rappelé aujourd'hui pour dire quand est-ce que FedEx va repasser. Puis là, dès qu'elle me répond, c'était quand... ça, oui, mais, non. Puis j'ai dit, puis là, mon réflexe a été, j'ai dit, ah non, pas encore la madame qui coupe. Puis elle dit, oh, je m'excuse. Fait que j'ai l'impression qu'elle sait que son téléphone va mal, mais tu sais, corrige-le. Mais probablement qu'elle téléphone à la centrale Walmart qui est toute IP là, pour ne pas avoir de frais de. Mais en tout cas, c'est moins coûteux. Là. Mais bon, c'est juste de la cochonnerie. Là. Bref, j'espère que je vais recevoir le message de FedEx là, qui passe chercher la boîte chez mes parents là, parce que c'est une grosse boîte encombrante. Donc voilà, on écoute deux nouvelles chansons de Martin. Les chansons, c'est du Green Day en deuxième avec la chanson American Idiot, puis Idiot. Puis en premier, Shine Down, Dead Don't Die. Fait que celle-là, on l'écoute tout de suite, suivie de Green Day. Tomorrow, we're not the ones who meant to follow. Voilà, deux belles chansons. Green Day, c'est un des groupes que j'écoute depuis très longtemps, j'aime bien. Celle-là, je la connais un peu moins, là, mais moi, je connais l'autre. Là. Do you have the time to listen to be wine? Parce que quand j'étais à l'université là, de Sherbrooke, j'avais un des chambreurs à côté de moi qui avait une guitare, puis c'était une des chansons qui savait jouer. Il jouait du Green Day sur sa guitare sèche. Puis ben moi, j'avais appris les paroles de ça pour pouvoir chanter avec lui là, quand on s'assoyait dans le corridor par terre, lui avec sa guitare, puis là, tout le monde sortait de sa chambre, puis là, on écoutait de la musique, puis on chantait le soir là, de temps en temps. Donc, Green Day, j'ai toujours aimé. Puis l'autre, c'est une belle découverte, Dead Don't Die. Je ne connaissais pas, mais le début est super beau, puis c'est une belle chanson. Donc, merci Martin. On peut lui souhaiter bonne fête aussi en passant. Martin vient d'avoir 52 ans. Martin est quand même assez vieux. Moi, j'ai 51 ans en ce moment. Ben, ça, c'est une blague entre nous parce que moi, ma fête est 3 jours plus tard. Martin, sa fête est vient d'avoir lieu. Puis moi, c'est 3 jours plus tard. Moi, c'est le 5, lui, le 2. Donc là, on est le 3. Fait que je suis encore 51 ans. Je suis encore plus jeune que toi, Martin. Donc, bonne fête. J'y ai déjà souhaité, là, mais on peut tous lui souhaiter. Donc, pour la suite, je pense qu'on va écouter tout le reste de ces chansons, parce que moi, je vous ai pas mal tout raconté ce que j'avais à dire. Je n'ai plus rien à dire. C'est rare, mais tu sais, j'ai enregistré deux Lobsters quasiment back-à-back, donc j'ai pas mal raconté toutes mes histoires. Martin a encore beaucoup de chansons à nous faire découvrir. Les deux prochaines, il m'a écrit mes deux chansons fétiches de son Eminem, Lose Yourself, puis l'autre NF, When I Grow Up. NF, je sais pas c'est quoi, peut-être que ça vous dit de quoi, on va le découvrir quand on va voir la chanson. Probablement que je connais ça aussi. Puis sinon, il m'écrit des découvertes plus récentes. On va découvrir The Bluestone, Shaken Off the Roast. L'autre, c'est marqué Coup de cœur, le groupe BRKN Love, avec la chanson Fly in the Honey Dead Weight. Après ça, Set It Off, Evil People. Après ça, le groupe Manskin, il me semble que les autres sont pas beaux. Et c'est eux qui portent des masques là, de cuir, il me semble. Puis la chanson Gossip. Après ça, Ash Nico, Paint the Town Blue. Puis en dernier, Blue Saraceno, Devil You Know. Fait qu'on écoute tout ça à la suite, un gros bloc musical. Je vous dis merci d'avoir été là, merci à Martin. Ce Lobster 179 n'aurait pas eu lieu si tu ne nous avais pas envoyé toutes ces chansons à découvrir. Donc voilà, on écoute ça et on se reparle bientôt. Bonjour, je suis Gros Copain. Moi, gros bisous. Moi, gros farceur. Des bisounours tout doux et toujours prêt à jouer avec vous. Viens me faire un câlin avec ton gros cœur. Oh, toi, tu es mon gros copain. Et toi, tu n'es qu'un gros farceur. Les bisounours, on vous donne la main pour partager petits chagrins et gros câlins. Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment. Capture, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking, how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity. We cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept priming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mackay Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught it between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on it too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only option, failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. Yeah, when I grow up, you know what I wanna be? Take a seat, let me tell you my ridiculous dreams. I wanna rap, yeah, I know it's hard to believe. And I can tell you're already thinking I will never succeed. But I'm okay with it, I admit the lyrics are weak. I've been working on them, I'll be good eventually. I understand you gotta crawl before you get to your feet. But I've been running for a while, they ain't ready for me. I know this probably isn't really realistic. And honestly, I might not ever make a difference. But that don't make a difference, I'ma have to risk it. I've been crunching numbers, you ain't gotta be a mathematician. And see, the odds ain't rooting for me. I can't lie though, it's kinda how I like it to be. The underdog, yeah, you probably think you know what I mean. But what I'm saying is, they ever push me, I'm gonna swing. Yeah, I could go to college getting down like everybody else. Graduating, probably get a job that doesn't pay the bills. That don't make a lot of sense to me, forget the Happy Meals. I don't like the dollar menu, I would rather make a meal. Huh? Make a meal? Nah, I said make a meal. Home cooking, get the grill, how you want it? Pretty well. Everything I see is overdone to me, I'm not a doubt. But I'ma get a record deal and say hello to Master Bill. When I grow up, I just wanna pay my bills. Rapping about the way I feel. Oh yeah. I just wanna make a couple mil. Leave it to the fam and the will. Oh yeah. I just wanna sign a record deal. Maybe buy a house up in the hills. Oh yeah. Might not be the best in my field, but I guarantee that I'ma die real. When I grow up. Yeah. Hey. When I grow up. Yeah. Yeah. Hey. I'ma make them notice me, rhyming like it's poetry. Everything I oversee, I just like to overthink. Mocking me, you pay the fee, no returning overseas. Those of you that don't believe, quiet, you don't know a thing. Quiet when I'm trying to sing, quiet when I'm making beats. Quiet when I'm trying to think. Sorry, I don't mean to scream, I just feel like no one really gets me. And it's sad to see, cause someday I'ma grow up and show all of you it's meant to be. Yeah, anybody wanna hear me rap? No, come on, let me play a couple tracks. No, come on, I can spit it really fast. No, you think I should throw this in the trash? No, tricked ya, haters go away before I hit ya. I am not a beggar or a kiss up, you don't understand, well I forgive ya. I am not a quitter, you ain't really think that, did ya? Maybe someday I could even be up on the radio, have a tour bus and maybe even play a couple shows. Everybody in the crowd singing every word I wrote, telling me that I am not the only one that feels alone. Huh? You feel alone? Yeah, I kinda feel alone. Wonder if the feeling ever goes away when you get old. Will I ever make it as an artist? I don't really know. Might not make a lot of dough, I'ma have to try it though. I just wanna pay my bills, rapping about the way I feel. Oh yeah. I just wanna make a couple mil, leave it to the fam and the will. Oh yeah. I just wanna sign a record deal, maybe buy a house up in the hills. Oh yeah. Might not be the best in my field, but I guarantee that I'ma die real. When I grow up, I just wanna pay my bills, rapping about the way I feel. Yeah, the way I feel. Yeah, I just wanna make a couple mil, leave it to the fam and the will. To the fam and the will. I just wanna sign a record deal, maybe buy a house up in the hills. Yeah, I might not be the best in my field, but I guarantee that I'ma die real when I grow up. attention again. Yeah, I hit the bottom, but I'm on the mend. I get up, take another step, push it to the edge. I get up, just a little more, I can see the end. I get up, yeah, you're finished, yeah, you're mine. Always win in due time. You think too much, it's in my head, so I'm shaking off the rust. And you got no trust, it's in my head, so I'm shaking off the rust. I think I broke just a little bit. Walk through the fire, made it back again. Lord knows I tried everything I can. Shaking off the rust. Bang my head against the wall. Try to hold a smile, but I'm sick of it all. Everyone with something to say. Better hold my tongue or I'll make a mistake. Turn it down, never gonna run, I learn. You think too much, it's in my head. So I'm shaking off the rust and you got no trust, it's in my head. So I'm shaking off the rust. I think I broke just a little bit. Walk through the fire, made it back again. I tried everything I can. Now I'm shaking off the rust. Yeah. safe when I'm alone. Me and my room, I'm getting stoned. Put up walls, I can't escape. I'm starting to think that I'm dead. Wish I had a kill switch for my brain. I'm out of luck, I'm losing face. Send me to hills, I can't wait. I'm starting to think I'm running. Every saint could be a sinner. When the finger's on the trigger, I gave an inch, you take a life. It's do or die. They tried to drown me in the drama, and now I'm swimming with piranhas. That bit me dry, I won't survive. But that's alright, you're just evil people, cracking smiles and twisting knives. Friendly but lethal, like the devil. Just a single fucking one of y'all. Yeah. It's like I can't keep them away from me. Could change my name and my identity. But either way, there's no escape. It's all the same. So shape-shift into something wicked. Show us all that feeling that you hide inside yourself. Yeah. Twisting knives, friendly but lethal, like the devil in disguise, hiding in plain sight. You're just evil people. You're all just evil people. People cracking smiles and twisting knives, friendly but lethal, like the devil in disguise. Single fucking one. shaken. Just fill your drink with tonic gin. This is the American dream. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them both. Don't act like you don't know. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them all. Don't act like you don't know. Keep drinking and acting cool. Don't care if your day is blue. Nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night. Don't think it'll get your mind. So come on, let's try it, just a taste. This place is a circus. You just see the surface. They cover shit under the rug. You can't see they're faking. They'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin. This is the American dream. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic. You are just like them all. Don't act like you don't know. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic. You are just like them all. Don't act like you don't know. My blood runs cold.